Et ce matin, nous allons continuer en regardant ce qui sont, les textes chapitre 8, chapitre 9 et jusqu'à la fin du chapitre 12, 13. Oui, un instant. S'en vient, ce ne sera pas toujours évident, parce qu'on va parler de la destruction de ce monde par Dieu. Donc, c'est quelque chose, des fois, qui peut être effrayant, qui peut être décourageant, qui peut être même, des fois, qui nous pousser à nous interpeller, ou nous interroger sur la personne de Dieu. Parce que, comme je vous dis, on a été élevé, puis souvent, on est encouragé par notre société dans laquelle on vit, pour nous montrer que Dieu est bon, Dieu ne peut pas faire de mal comme ça, puis Dieu est gentil, puis Dieu est ci, Dieu est ça. Et dans l'Apocalypse, Dieu, une grande partie de l'Apocalypse, Dieu est en colère. Hein? C'est j'ai lu, c'est juste l'expression, la colère de Dieu, ou colère de l'Éternel, la colère du Seigneur. Ça apparaît des centaines et des centaines de fois dans la Bible. Donc, de dire que Dieu est un bonhomme, on ne dit pas toute la vérité. Je crois qu'il faut bien s'arrêter à ça. Et on a vu jusqu'à date que Jésus parle à son Église, puis encourage son Église à la persévérance. On a vu que dans les sept églises, juste une a été félicité par le Seigneur. Les six autres, Jésus leur a fait des reproches, puis leur dit quoi? Repends-toi. Repends-toi, ou ben non, je vais te détruire avec le monde que je vais détruire. Donc, l'Église est interpellée. L'Église est appelée à se repentir. Sans ça, elle va être détruite avec le monde qui va être détruit. C'est pour ça que je crois que les églises à qui il parle, c'est des églises de profession de foi, et non pas de foi. Des églises qui ont, dans leur héritage, avaient reçu l'Évangile, mais ne la vivraient plus. C'est pour ça qu'il leur dit, tu ne m'aimes plus comme au premier temps, dans ma tête qu'Église. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Tu passes pour être une bonne Église. Moi, je dis, tu es tiède et je vais te vomir dans ma bouche. Il dit ça, il dit pas ça aux païens, il dit ça aux gens qui sont dans les églises chrétiennes à ce moment-là. Mais qui s'étaient égarés dans de fausses doctrines et avaient fait des compromis avec le monde pour éviter la mort physique, la souffrance, la persécution, les troubles épouvantables. Et jetons pas la pierre. Parce que des fois, je me suis demandé, qu'est-ce que je ferais, moi? Si ma bru m'appellerait à Martin, elle disait à François, papa, beau-papa, il vient d'avoir une émeute à Saint-Eustache, puis ils ont persécuté les chrétiens, puis ils ont tué Benjamin. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas ce que je m'en irais. Puis là, il continuerait, puis ça continuerait. Et c'est ça que les chrétiens vivaient à ce moment-là. Père, mère, enfant, tués dans les arènes, mangés par les lions, martyrisés d'une façon épouvantable. Et les chrétiens se posent la question, on a-tu fait le bon choix? Vous vous souvenez, on dit à Paul, hein, pourquoi est-ce que les frères et sœurs meurent? Est-ce que Jésus a dit qu'il reviendrait? Pourquoi ça qu'il ne revient pas? Parce que les chrétiens pensaient qu'ils ne mourraient pas avant que Jésus revienne établir son royaume. Et ça fait combien de temps? 2000 ans. Et la longueur de temps, des fois, peut jouer sur l'Église et lui dire, mais c'est-tu bien vrai, ça, qu'il va revenir? Mais Seigneur, il dit qu'il va emmener des fléaux sur la terre, mais on a vu la semaine, il y a deux semaines, il dit, attendez un petit peu, je n'ai pas fini de faire quoi? Qu'est-ce qui a retenu les anges d'aller détruire la terre? Il dit, il faut que je finisse de marquer d'un sceau. Il dit, il faut que je finisse de marquer d'un sceau le peuple qui m'appartient. Les gens qui m'appartiennent sur la terre. Et je n'ai pas fini de les étiqueter. J'ai pas venu les marquer avec mon sceau. Et on a vu que le sceau, c'était probablement le Saint-Esprit. Il dit, j'ai pas fini de les marquer, mais j'ai fini de les marquer là. Il va y avoir des destructions. Ce qu'on appelle communément la fin du monde, comme on le connaît aujourd'hui. Et ce matin, nous sommes rendus au chapitre 8, et là, ça commence. Ça commence. Ce moment où est-ce que le dernier des sceaux qui avait été ouvert, c'était l'enclenchement des fléaux, de la colère de Dieu. On appelle ça les sept trompettes, puis on va voir ensuite les sept coupes de la colère de Dieu. Et on va tranquillement ensemble. Je crois qu'une des difficultés que nous avons de percevoir l'Apocalypse comme une bénédiction, c'est qu'on a de la misère à comprendre toute cette masse de monde qui va mourir. Je me souviens une fois, j'avais parlé avec un chrétien et il disait, j'ai de la misère à comprendre David dans les... On appelle ça dans l'Ancien Testament les psaumes imprécatoires. Imprécatoires. Une imprécation, ça veut dire quoi? C'est une condamnation contre quelqu'un. Et on voit David, dans plusieurs psaumes, demander à Dieu, détruis-les, Seigneur. Fais-les mourir, Seigneur, ces gens-là. C'est des impies, ils sont tes ennemis. Tue-les, Seigneur. Là, tu dis, voyons, il est méchant, David, non? À plusieurs reprises, David demande la destruction des peuples. Et Dieu, à chaque fois, dit, oui, David, il détruit les peuples. Il faut faire attention pour bien comprendre. David avait été mandaté par Dieu pour détruire les ennemis du peuple d'Israël. Donc, c'était dans son mandat. Je n'encourage pas à prier de faire mourir vos voisins. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Pas pour vous autres. Pour David, si Dieu vous demanderait à vous autres, « Bon, mais François, je te donne comme mandat de faire telle affaire, mais tu le feras. » Mais David avait eu le mandat, lui, de tout faire mourir les ennemis d'Israël et de donner la paix au pays d'Israël. C'est pour ça qu'il priait que ses ennemis meurent. Puis on a vu ensemble dans les semaines passées qu'il y en avait des millions dans le ciel sous une grosse autel. Vous vous souvenez? On avait vu une image. Et qu'est-ce qu'il demandait? Justice. Il disait, « Seigneur, combien de temps ça va prendre afin que tu fasses mourir tous ceux qui martyrisent ton peuple? Jusqu'à temps, tu vas attendre, Seigneur, pour tous les détruire, ces gens-là qui font mourir tes enfants. » Parce qu'il faut bien se mettre dans l'autre côté de la médaille. Et oui, Dieu va les faire mourir, mais il faut bien se virer sur le bord et dire, « Les autres sont en train de faire mourir le peuple de Dieu. » Il ne faut pas penser que là, c'est tous des petits anges, là. Nous autres, on trouve ça dur parce qu'on est encore ici-bas sur la terre. On a encore des pensées mélangées entre humain et pas humain. Mais on va voir dans l'Apocalypse, quand Dieu va dire aux anges, allez détruire la terre, ils y vont, et ils y vont sans hésitation, avec un grand enthousiasme de détruire les ennemis de Dieu. Je crois que si on avait des ennemis vivants qui veulent faire mourir nos enfants, je pense qu'on n'hésiterait pas à sortir le bat et commencer à faire quelque chose. Hein. Si on verrait quelqu'un là, venir et commencer à étrangler nos enfants, je ne suis pas gros, mais il me semble que je sauterais sur le gars pareil. Parce que je réagirais. Et là, ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est que le ciel s'enflamme de la colère de Dieu et il se met à détruire tout ce qui a vie sur la terre. Ce n'est pas évident tout le temps de comprendre ces jugements-là. On va en voir ce matin. Ce n'est pas évident de tout. Comment est-ce que ça va? Et puis, moi, j'ai parlé souvent avec des gens de toutes sortes de métiers. Ils me disent, oui, François, la façon dont c'est écrit, là, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas arriver de même. Parce que c'est scientifiquement invivable. Je leur dis, tu as bien raison. Tu as bien raison. Mais là, ce n'est pas scientifiquement la destruction de la terre. C'est divinement possible. Dieu va faire des choses que, si tu analyses scientifiquement, ça ne peut pas arriver. On va en voir tout à l'heure. Si ces choses-là arriveraient d'une façon humaine, comme cela, là, mais ce sera fini pour la terre, en l'espace de quelques heures, ça sera fini. Mais on voit que ça perdure. parce que je crois qu'il y a quelque chose de divin à travers ça. Un peu comme le déluge. Hein? Demandez ça à des scientifiques aujourd'hui, ils vont vous dire que c'est impossible. C'est impossible qu'en quelques jours, il y ait de l'eau 15 coudées par-dessus le mont Everest. Voyons donc! Ça en prend de l'eau pour monter 15 coudées par-dessus le mont Everest. Hein? Ça en prend-tu de l'eau? Puis là, ils disent, il n'y en a même pas assez sur le globe que ça fasse ça. Je dis, écoute bien, j'essaye pas d'expliquer scientifiquement le déluge. Je le crois par la foi que c'était un acte divin de Dieu sur la terre. Je ne peux pas expliquer plus la création du monde avec rien. Hein? Si je crois, moi je le crois, si je crois que Dieu a créé le monde avec rien, en l'espace de quelques instants comme ça, tout le restant devient possible. Tout le restant, ce n'est pas dur à croire. Que Dieu fasse de l'eau et qu'il détruise la terre ou qu'il envoie du feu du ciel, qu'il détruise Sodome et Gomorre, tout ça, ça devient bien faisable. Pour moi, c'est la foi, c'est fondamental, c'est de croire que c'est Dieu qui a créé le monde à partir de rien, avec toute sa puissance comme ça. Donc le restant, ça devient juste correct, à partir de ce qui se passe. Joël écrit, « Quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient un ravage du Tout-Puissant. » Il parle de la fin des temps. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Il dit que tout le monde tremble, parce que Dieu s'en vient, et Dieu est en colère. « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient, comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. » L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Acte 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? C'est la Pentecôte. Il est venu un grand bruit, des langues de feu sur les 120 disciples, ils se sont mis à parler en langue. Pierre dit après, « Voici l'accomplissement de la prophétie de Joël. » Ce que je viens de vous lire. « Nous sommes dans les derniers jours. » Il dit, « La lune va s'obscurcir. » Il parle, nous avons enclenché. » Quand la Pentecôte a commencé, nous avons enclenché le dernier pas vers la destruction de ce monde. Pierre dit, « Par la venue du Saint-Esprit, cette nouvelle alliance, à la fin de cela, ça va être la destruction du monde. » Si vous voulez comprendre mieux l'Apocalypse, je vous encourage à aller lire le livre de Joël. Joël avait prédit la fin des temps. Je suis content qu'il y ait eu Jésus entre les deux. Parce que les Juifs ne les voyaient pas. Les Juifs voyaient, la prophétie de Joël va s'accomplir. Dieu va détruire tous les ennemis des Juifs, va tout détruire, ça va être fini. Et il s'est accompli la venue du Messie avant, pour sauver le monde, avant d'envoyer le deuxième, ce qu'ils l'ont appelé, c'est l'exécuteur qui va détruire le monde. Ce matin, nous allons enclencher cette description de ces événements qui vont arriver, qui vont détruire le monde. Comme je disais tout à l'heure, je ne vous dis pas que j'ai la science infuse, puis je comprends tout ça, comment ça va se passer. Tout ce que je comprends, je vous ai dit au début, essayez pas d'interpréter la Bible, l'Apocalypse, dans tous ces petits détails. Vous allez virer fou. Regardez plutôt l'image dans son ensemble. Quand je regarde les sept trompettes qui sonnent des fléaux, tout ce que je suis en train de voir personnellement, c'est que le ciel va emmener une destruction sur la terre, sur ceux qui ne croient pas en Dieu. Comment ça va se faire? Tous les petits détails de ça. C'est Dieu qui va le faire, c'est pas moi. Fait que je laisse ça entre les mains, il va le faire comme il voudra. Mais il nous parle ici d'une destruction globale de la terre. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 8. Si vous voulez tourner là, et nous allons lire quelques. Nous avons déjà fait le verset 1 à 9, 1 à 8 dans la dernière fois. Maintenant, nous allons commencer à lire à partir du verset 7. Le premier sonna de la trompette. Il y a sept anges qui apparaissent. Quand Jean ouvre le septième sceau, il y a sept anges qui apparaissent avec des jugements. Là, chapitre 7 s'est accompli. Il a fini de marquer. Hein? Il a fini de marquer. On va voir chapitre 9. Il va dire, touche pas à ceux qu'on a marqués. Faites pas de mal à ceux-là. Faites du mal aux autres, mais pas à ceux-là. Là, c'est marqué. Là, il nous dit qu'est-ce qui arrive après qu'il ait fini de marquer les sceaux. Je sais que les chrétiens ne s'entendent pas tous quand c'est que c'est fini. Mais une chose est certaine, un jour ça va être fini. Tout le monde est d'accord là-dessus. Un jour ça va être fini, le marquage. Et ça va être la destruction qui va commencer. Verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle, du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre furent brûlés. Le tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. Ça, c'est le premier fléau. Vous êtes capable de vous imaginer ça un petit peu, de voir la terre et que la moitié de tout ce qui est vert des arbres meurt brûlé instantanément par un fléau de Dieu. Toute l'herbe verte disparaît d'un coup sec. Scientifiquement, qu'est-ce qui arriverait, vous pensez? Quel est le rôle des arbres? Oui, hein? C'est que les arbres font quoi? Ils purifient l'air pour nous autres. Je crois qu'on mourrait asphyxié, ce ne serait pas trop long. Hein? Empoisonné par les oxydes de carbone qu'on émet, que les arbres mangent, puis qu'ils nous redonnent, nous autres, de l'oxygène. Le tiers de tous les arbres de la terre disparaissent. Je crois que ce ne serait pas long qu'on commencerait à tousser pour dire « qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils vont manger, les bébites qui mangent de l'herbe? Toute l'herbe verte disparaît. On ne peut rien manger, puis en tout cas les mammifères qui en mangent, toutes les herbivores, on ne peut rien manger. Fait que scientifiquement, on peut dire, il semble que ça ne se peut pas. Mais il dit, comment le tiers va disparaître de tout ça? Dieu va commencer par sa destruction par ça. La deuxième trompette, maintenant, au verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée de feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périrent. Le tiers des navires fut détruit. Le tiers de tout ce qu'il y a dans la mer devient du sang. Il y en a de l'eau. Combien est-ce qu'il y a d'eau sur la terre, le pourcentage avec la terre? Oui, excusez-moi, 70. Moi, je mettais 70. Là, à l'autre, mettons 70, 70%. De toute la surface de la terre, c'est de l'eau. Là, tu en prends le tiers de ça qui devient du sang. Ça vous rappelle-tu quelque chose dans l'Ancien Testament? Le Nil, qu'est-ce que ça a fait, le Nil? Quand c'est devenu du sang, ça a fait une corruption épouvantable. L'eau vient de quoi? De l'évaporation de la mer. Ça s'évapore. C'est des millions de gallons d'eau qui montent en vapeur et qui fait de l'eau pour qu'on puisse l'en boire. Ça, c'est du sang. Ça ne fait plus de vapeur, cela. Et ça doit sentir très mauvais. Et la tiers de tout ce qu'il y avait dans la mer qui avait souffle de vie meurt aussi. Ça doit devenir vraiment épouvantable comme, on pourrait juste regarder le tsunami, là, qu'est-ce que ça a fait, hein? C'est juste deux, trois petites vagues, là, qui sont venues écraser contre le côté. Imaginez-vous maintenant le tiers de toute l'eau et toutes les morts que ça va produire. Il y avait peur que le tsunami fasse de la peste, hein? Puis ça fasse des épidémies épouvantables. Imaginez-vous là, maintenant, ce qui va commencer. Tous ces animaux qu'on ne peut rien manger, qui vont mourir. Tous ces animaux qui sont morts dans la mer. Et toute cette eau maintenant qui est virée en sang. Je ne sais pas si si c'est réel, physiquement et matériellement parfait. Mais une chose est sûre, Dieu est en train de nous dire, je suis en colère, puis je vais détruire le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'est-ce qu'il veut? C'est enlever le mal de sur la terre. Parce que toutes ces choses-là ont été empreintes du mal. Ensuite, il dit quoi au verset 10? On a un troisième. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Donc Dieu maintenant, il touche l'eau potable qui va être détruite. Le tiers de l'eau, de toute l'eau potable du globe, va être changé en poison. L'absinthe, c'est un poison. Des fois, je dis que l'eau n'est pas très bonne, je m'achète de l'eau de source, mais là, ce ne serait plus possible non plus à certaines places. Tu sais, on garde cette... On a de la misère à s'imaginer l'ampleur de catastrophes. Mais c'est la manifestation de Dieu envers les hommes. Parce que vous savez, l'eau, vous pour moi, n'a rien fait de mal envers Dieu. Hein? L'eau n'a pas... A pas maudit Dieu, elle n'a pas devenu un ennemi de Dieu. L'eau, c'est de l'eau. Mais pourquoi est-ce que Dieu touche l'eau? Pourquoi qu'il touche la mer et tout ce qu'il y a dans la mer pour toucher les humains? Pourquoi est-ce qu'il fait mourir? Moi, ça me rappelle tellement ça, ce que je dis là. En miniature, on a les plaies d'Égypte, hein, les 10 plaies d'Égypte, en miniature. Parce que ça, c'est de la miniature par rapport à ce qui s'en vient. Puis on regarde ça. Les 10 plaies, là, selon ce que j'ai lu dans l'histoire de l'Égypte, dans son histoire, les 10 plaies là ont détruit l'Égypte. L'Égypte ne s'est jamais relevée vraiment après ça. Ça l'a emmené pendant des centaines et des millénaires quelque chose d'épouvantable sur le peuple de l'Égypte. Pourtant, c'était juste un petit pays par rapport au globe. Là, ça va être planétaire. Ça va être planétaire. Le quatrième, maintenant. Parce qu'imaginez-vous, on a juste trois de lui. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui sont sonnés. » Bon, je n'ai lu un trop. J'aurais dû juste lire 12. Le tiers du soleil devient noir. Scientifiquement, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde meurt. On devient tous des petits garçons. Tu ne peux pas. Ils nous disent juste que le soleil, s'il en perd trop, là, ça, on va tout geler de la gang. Mais le tiers de sa force disparaît instantanément. Et là, il dit le tiers du soleil, puis le tiers des étoiles, puis ça devient noir, ça devient ténèbre. Ils ne nous disent pas les résultats. Ça veut juste dire que ça disparaît. Et je me suis dit à moi-même, je devais demander la question une fois à un homme scientifique, mais il dit, c'est impossible, mon frère, c'est impossible. Tout le monde meurt instantanément. Non, non, ça va. Parce que vous savez que tout ce qui vit alentour a besoin de lumière. Si tu diminues l'intensité de la lumière, les plantes meurent, toutes meurent. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça prend du soleil, ça prend de la clarté partout pour vivre. Et Dieu touche les hommes d'une façon très précise. Et là, j'ai lu le verset 13, un peu trop vite, mais là, j'ai lu le verset 13. Et là, il dit, il y en a quatre d'arrivée. Là, il en reste trois. Puis l'ange, qui est comme un aigle, crie. Qu'est-ce qu'il crie? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre pour les trois qui restent. Moi, je me dis, il me semble, le malheur, tu as déjà commencé. Mais il dit, c'est rien. Attendez les trois autres. ça va être encore pire. Ça va être encore pire. C'est pour ça que tu sais, j'ai déjà dit souvent à des gens non-chrétiens, je dis, si tu savais ce qui s'en vient, tu te jetterais à genoux à terre tout de suite, tu demanderais à Dieu de te sauver. Si tu savais qu'est-ce qui attend le monde, tu te jetterais à terre tout de suite. Fais ta prière tout de suite, parce que tu aurais tellement peur. Mais les gens, aujourd'hui, dans notre société, ne croient plus à ça. Ne croient plus que Dieu va intervenir comme ça. Les autres, ils disent, ils ont plus foi, en guillemets, que les gens vont se détruire par la bombe atomique, ou non, qu'il va y avoir des bombes biologiques, ou des catastrophes semblables, ou la couche d'ozone va se détruire, puis le soleil va nous faire brûler. Ils croient plus à ça qu'ils croient à la parole de Dieu. Pourquoi ils croient plus à ça? Parce que c'est scientifique. Nous, on le croit plus parce que c'est plutôt divin. Oui, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est scientifiquement peut-être impossible. Tout ça, c'est juste. Mais ce n'est pas divinement impossible. La parole de Dieu dit dans un verset, « Rien n'est impossible à Dieu. » Il y a un autre verset qui dit, « Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. » Ça ne devrait pas nous étonner. Il est capable de faire ça. Il l'a montré avant. Tout détruit par l'eau. Toutes les plaies d'Égypte détruisaient tout en passant. L'espace de... OK, Moïse était à son porte-parole, disait, « OK, les sauterelles sont arrivées, ça a tout mangé l'herbe, il ne restait plus un brin d'herbe en Égypte, tout le monde crevait de faim. Il a juste touché un petit peu l'eau, tout le grand fleuve du Nil est devenu du sang. » Fait que c'est pas nouveau ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire à une plus grande échelle. Plus grande échelle. Des grands malheurs, maintenant. Il va en avoir trois. Et ça va durer, là. Les trois malheurs-là vont s'étendre jusqu'au verset 12. On va pas tous les voir ce matin. Au chapitre 12, je veux dire. C'est ça que ça comprend du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12. On va pas tous les voir parce qu'on n'a pas le temps de toutes les choses ce matin. Mais on va en avoir. On va commencer tranquillement. On va voir un des premiers. Au chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits de l'abîme une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Les sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Qui a déjà été piqué par un scorpion? Je ne sais pas si on peut être sauvé de ça aujourd'hui. Oui, hein, il y a des antidotes aujourd'hui de ça. Hein? Bon, je me fie à toi, Antonio. T'as-tu déjà été piqué? Non. Non. Mais ça a l'air que ça ne fait pas du bien. Dans ce temps-là, je ne suis pas sûr qu'il y avait des antidotes comme aujourd'hui. C'est mortel, je pense. Hein? Mais il semblerait que quand tu étais piqué par la scorpion, c'était une mort atroce. Tu ne mourras pas comme pocataire. Tu avais un paquet de souffrances avant de mourir. En ce cas, je ne sais pas trop, je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu à la télévision. Il leur fut dit de ne point... Là, écoutez bien, il leur fut dit... Les sauterelles, absolument, qu'est-ce que ça fait? Ça mange de l'herbe, hein? C'est ça que ça mange, là? Oui, en tout cas, les miennes mangent ça chez nous. Il dit quoi? Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Donc, vous n'êtes pas là pour manger l'herbe. Là, c'est des sauterelles. Il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Non, non, non. Ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Là, ça commence à classifier. Il dit, vous faites du mal aux hommes seulement. Nous ne touchez pas à ce qui est vert, en tout cas ce qui reste de vert, parce qu'il y en avait un tiers qui avait passé au feu tout à l'heure. Mais il dit, ne touchez pas à rien de vert. Toucher seulement aux hommes. Et là, il les classifie. Seulement ceux qui n'ont pas la marque du sceau dans le front. Ça veut dire quoi? Pour moi, une chose est certaine, c'est que les gens du chapitre 7 qu'on a vu tout à l'heure, qui ont été marqués, sont là, sur la terre à ce moment-là. Ils sont là, parce qu'il dit de ne pas les toucher. Si ça a deux jours rendu au ciel, il ne dira pas de ne pas les toucher, ils sont déjà partis. Mais ils sont là parce qu'il dit de ne pas les toucher. Ne touchez pas à ces gens-là. Peu importe comment vous interprétez les 144 000 qu'on a vus, ou la grande foule qui était marquée d'un sceau. Mais une chose est certaine, ils sont sur la terre quand ça commence, ces affaires-là. Mais comme à l'Égypte, vous vous souvenez des dix plaies d'Égypte? Ils disaient, oui, mais touche pas aux Juifs qui sont là. Oui, mais touche pas mes enfants qui sont là. Fait que les fléaux tombaient, mais ils n'avaient jamais vu où ce que les Juifs vivaient. Fait que Dieu est capable de trancher son couteau. T'sais. Toi, tu es là, l'autre, au côté, il y a quelqu'un qui n'a pas le saut. Lui, il va être touché, toi, tu ne seras pas touché. Il est capable de toucher, il est capable de faire ça. Dieu est capable. C'est pas dur pour lui de faire ça. Et regarde, il leur fut donné non de les tuer. Parce que le scorpion pouvait faire mourir les gens. Il dit, je ne veux pas que tu les fasses mourir. Mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et remarquez bien la souffrance là. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient une cuirasse comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme le roi, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ces bébêtes-là, ils sortent de où? D'un puits. Ils sortent de l'abîme. L'abîme, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a dans l'abîme? Si vous lisez l'Apocalypse, il y a juste une chose dans l'abîme, les démons. Ce n'est pas des bébites ordinaires. C'est juste des démons. Si je comprends bien, ici, Dieu va ouvrir l'enfer, si je peux le dire comme ça, et va laisser sortir les démons, il va dire attaquer la terre. Attaquez la terre. Et faites-la souffrir. Ça me fait quasiment frémir de penser que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui dit à l'ange, ouvre la porte là avec la clé, laisse-la sortir, qui va le faire souffrir tous ceux qui n'ont pas le sceau sur leur front. Hein? Oui, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, qui étaient le sceau. Si c'est le sceau, c'est le Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Puis il dit que le tourment est tellement fort. Qu'est-ce que les hommes veulent faire? Les femmes aussi, les enfants aussi, tout le monde qui est celui-là, ils veulent tout mourir. Moi, j'appelle ça un suicide planétaire. Tout le monde veut mourir. Sauf trop. Tout le monde veut mourir. Je n'ai jamais souffert au point de vouloir mourir, physiquement parlant, de douleur physique. Il y en a des fois qu'on entend parler qui s'enlèvent tellement ils souffrent. Dernièrement, là, c'est toi qui m'as dit ça hier? C'est toi le gars là, qui t'a fait quelque chose à Gatineau, quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ottawa, ça passe à la télévision, ça? Un monsieur Tremblay, là, qui a fait venir tous ses amis, sa femme, ses enfants, puis il a fait une belle veillée, un beau petit party, puis il leur a dit, je vais me tuer. Après. Puis il est allé, puis il s'est tué. Parce qu'il avait été déclaré, là, je pense, bien malade, puis il n'y avait pas de moyen de s'en sortir, il était condamné à mourir, il ne voulait pas souffrir. Donc, il a décidé de faire ce que les autres vont faire. Il a voulu mourir, mais lui, il l'a fait. Mais ici, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu empêche les hommes de mourir. Ils vont chercher la mort, puis Dieu dit, vous ne la trouverez pas, je veux que vous souffririez. Je me souviens une fois, il y avait un homme qui m'avait parlé de ça, c'était pas un chrétien. Il dit, François, il dit, c'est quoi ça, ces sauterelles-là? Ça peut pas exister. Ça peut pas exister, ça. Si vous saviez tout ce que j'ai lu sur le sujet. J'ai lu que ces bébêtes-là, c'était des F-18. Tu sais qu'il y avait des bombes dans la queue, là, tu sais, que ça partait, puis ça piquait tout le monde. Et j'ai vu toutes sortes des chars d'assaut, parce qu'ils ont des cuirasses. J'ai vu toutes sortes d'explications humaines. J'ai dit, non. Il n'y a pas de chars d'assaut qui sortent de l'abîme. Il n'y a pas d'F-18 dans l'abîme. J'ai dit, C'est le ciel contre la terre. Ce n'est pas les Russes contre les Américains, ici, là. Le ciel, ça va détruire la terre. Moi, j'ai dit au gars, je dis, tracasse-toi pas pour savoir c'est qui le sauterelle. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Tracasse-toi pour savoir si tu as le saut. Tracasse-toi pour savoir si tu as le saut. Parce que si tu l'as le saut, ils ne te toucheront pas. Peu importe c'est quoi. F-18 ou bébête à quatre pattes, ça n'a pas de différence. Ils ne te toucheront pas si tu as le saut. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ils ne te toucheront pas. Donc l'important, il ne faut pas s'arrêter à tout vouloir découvrir c'est quoi ce malheur-là, dans tous ces petits détails. Il faut juste dire, je rends gloire à Dieu, que j'ai le sceau de Dieu sur moi, qui est le Saint-Esprit. Et je voudrais faire tout ce que je peux pour que d'autres personnes autour de moi, eux autres aussi, soient marquées, afin qu'ils ne soient pas détruits ou piqués par ces bébites-là. Mais en tout cas, si Dieu me permet, si Dieu décide que je vais être là quand ça va arriver, je me demande quand ça va avoir de l'air. Tous ces hommes et ces femmes et ces enfants qui vont vouloir mourir, qui vont se lamenter, qui vont se tordre de douleur pendant 5 mois, si ça se passe en jour de 24 heures. Pire, si mon gars qui est là, si ma fille est là, si mes frères et sœurs sont là pour que je les regarde faire, il me semble que ce ne sera pas évident pour nous autres aussi. Puis je me suis demandé, j'ai dit, si ça arrive pendant que je suis là, quelle va être mon attitude envers Dieu? Parce que François va savoir que ça vient de Dieu. Quelle est mon attitude? Et je me suis dit d'avoir prié, Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter ce que tu vas faire. Donne-moi la grâce de ne pas me rebeller. Donne-moi la grâce de ne pas t'en vouloir, de voir tout souffrir ce monde-là que je connais, puis qu'il n'y a pas de moyen de les aider. C'est fini, la grâce est terminée. Je ne peux plus même plus aller leur parler du Seigneur. C'est fini! J'ai vu des chrétiens se rebeller quand leur conjoint mourait ou un enfant mourait. Imagine-toi donc quand tu vas voir toutes tes familles, tous tes amis dans cet état-là. Tu vas vouloir faire pieds et monde, mais il va être trop tard. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si ce n'est pas qui écrit l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il dit, n'endurcez pas vos cœurs, c'est aujourd'hui. Profitez-en pendant que la grâce est là. Parce que demain, peut-être, va être trop tard. Malheur, malheur, malheur. Deuxième malheur. Non, on arrête là. Je n'ai pas le temps. Il y a assez de malheur. Il ne faut pas que je vous montre, c'est quoi? Il y a assez de malheur pour aujourd'hui. On a assez porté. Des fois, on en parle, on rit, des fois, on est un peu, à sourire devant de telles images. Mais ce n'est pas grave. Je sais que si on est là, mais que ça arrive, on ne rira plus. Mais je sais, personnellement, c'est mon idée personnelle, mais je sais que Dieu va me donner la grâce de dire, Seigneur, ce que tu fais est correct. Ce que tu fais est juste. Parce que David l'a fait. D'autres l'ont fait, d'autres chrétiens l'ont fait à travers les siècles. Ils ont été capables de se réjouir à cause qu'ils savaient que ça venait de Dieu. Je me souviens, pendant des années, j'ai prié, je disais au Seigneur de me préparer à accepter la mort de mes parents. S'ils ne s'étaient pas sauvés. Ils sont morts, puis ils n'étaient pas. Mais il m'a donné la grâce de continuer. C'est pas facile, ça veut dire, de s'arrêter et de dire, ils sont partis, je ne peux pas rien faire. Ils souffrent. C'est fini. Je ne peux pas rien faire. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous, que moi j'appelle le Saint-Esprit, qui nous stimule, qui nous donne la grâce, la force de continuer, malgré ça. Malgré ça. Mais en attendant, on va chanter un cantique qui dit, en attendant que la noirceur vienne, le titre de la chanson dit, brille ô Jésus, brille ô Jésus, en attendant. Il y a encore de la lumière, c'est pas fini. Donc pendant qu'il y a encore de la lumière, on peut prendre un temps pour parler à ceux qu'on aime, à nos enfants, nos voisins, pour qu'ils puissent voir la lumière. On se lève ensemble et on chante ça. Père du ciel, merci. Merci que tu nous as éclairés. Merci que ta lumière est venue jusqu'à nous, chacun de nous, dans nos petites maisons, dans nos petits villages, où qu'on était. Dans ton amour, tu es venu nous éclairer afin qu'on puisse comprendre ces grandes vérités. Nous t'en remercions. D'une manière toute nouvelle ce matin, encore une fois, nous offrons nos vies à toi. Prends-nous, Seigneur. On a chanté « Parle, Seigneur », mais on sait très bien que tu vas parler par nous, à travers nous. Que par ton Esprit Saint, cette semaine, on puisse parler aux gens qui sont autour de nous. On puisse laisser un témoignage à ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas encore. Sauve-en quelques-uns, Seigneur, avant que ces grands malheurs viennent frapper la terre. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à chacun de vous.